بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل مبعثه صلى الله عليه وسلم. فصل son envoi صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث في غار حراء كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازله. Donc lorsque Allah Azza wa Jal a voulu faire miséricorde aux serviteurs et les honorer en l'envoyant pour l'univers, Allah Azza wa Jal dit: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. الله عز وجل دي: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, un messager est venu d'entre vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude envers vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et Allah Ta'ala dit: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Certes, Allah a honoré les croyants, leur a donné un bienfait en envoyant au milieu d'eux un messager d'entre eux qui leur récite ces versets et les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, même s'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu précédemment, est Nabi al-Rahma, le prophète de la miséricorde. Et il y a un hadith dans Sahih Muslim d'après Jabir radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mathali wa mathalukum ka mathali rajulin awqada nara faj'ala al-janadib wal farash yaq'ana fiha wa huwa yadubbuhunna 'anha wa ana akhidhun bi hujazikum 'anil nar wa antum tafallatuna min yadi. Mon exemple est à l'exemple d'un homme qui a allumé un feu. Les criquets et les papillons s'y précipitent et il les en empêche. Et je vous retiens d'aller dans le feu par vos ceintures, et vous vous échappez de mes mains. Et l'exemple qu'il a donné, sallallahu alayhi wa sallam, est fort, car un homme qui empêcherait les insectes de se précipiter dans un feu la nuit, il devrait faire beaucoup d'efforts, car ils vont de tous les côtés, ça serait très dur. Et ça montre les efforts que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prodigués dans la divulgation de son message, du message divin. Et qu'il a dit: il n'y a pas une chose qui vous rapproche du paradis et qui vous éloigne de l'enfer sans que je vous en ai parlé. Et les gens sont tournés vers les péchés, Allah al-Musta'an, et s'y précipitent, malgré que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par sa sunnah et par ce qu'il a éclairci, est un rempart contre le feu. Mais malgré ça, l'être humain pêche. Et comme Allah azza wa jalla dit dans le hadith al-Qudsi, qui est dans Muslim: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Ô mes serviteurs, vous faites des erreurs jour et nuit, et nul autre que moi ne pardonne les péchés. Alors demandez-moi pardon, que je vous pardonne. Et ça, c'est une des grandes différences entre la Ummah Islamiyah et les kuffar. Le kafir, il demande pas pardon à Allah Azza wa Jal. Déjà l'athée, c'est clair qu'il demande pas pardon à Allah Azza wa Jal dans quoi que ce soit qu'il fasse de péché, et demande pas pardon. Et même le chrétien et le juif, vous les voyez pas implorer le pardon de leur Seigneur lorsqu'ils font zina ou autre. Allah al-Musta'an. Bien qu'ils sachent que c'est interdit. Bien qu'ils sachent que c'est interdit. Ça, c'est interdit clairement. Même eux, ils affirment que c'est interdit. Allah al-Musta'an. Donc, de la même façon, les koufars, ils se précipitent dans ce feu, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, empêche toute l'humanité, vu qu'il a été envoyé à toute l'humanité, et il est un rempart pour tous contre le feu. Et celui qui accepte son message et croit en lui, alors il fait partie des gens du paradis. Et ça, c'est la base dans l'envoi des messagers. Et celui qui mécroit en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il ne vienne pas prétendre la foi, car il a mécru en le meilleur des êtres humains, le meilleur des créatures, et le sceau des prophètes. Et il a mécru en un prophète, parmi les prophètes d'Allah, Azza wa Jal, et ses envoyés. Donc comment il peut prétendre avoir cru en tel parmi les prophètes et avoir mis cru en tel autre. Allah al-Musta'an. Donc Ibn Kathir rahimahullah dit ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé se retirer loin des gens, s'éloigner des gens, et il s'est mis à adorer Allah azzawajal dans la grotte de Hira, comme le faisaient les adorateurs de son époque. Et ensuite il cite une qasida de Abu Talib, qui est connue, mais malheureusement qui n'est pas établie par une chaîne authentique. Et ça, cette adoration qu'il a faite, elle date d'avant sa prophétie. Donc, il n'est pas permis à quelqu'un d'aller de nos jours à la grotte de Hira pour adorer Allah Azzawajal en disant que le prophète Sassam l'a fait. Et ce n'est pas légiféré, comme l'a démontré Cheikh al-Islam Taymiyyah dans Iqtiraz Sirat al-Mustaqim. De la même façon qu'adorer Allah Azzawajal dans un endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après son envoi, a adoré Allah Azzawajal, sans qu'il n'y ait une preuve claire de la supériorité ou la valeur de cet endroit dans l'adoration, ce n'est pas légiféré. C'est-à-dire le fait de vouloir expressément adorer Allah Azzawajal dans un endroit dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a adoré et qu'il a fait cette adoration simplement car c'était le temps de cette adoration par exemple. Si en voyage c'était l'heure du dhuhr et qu'il a prié dans un endroit, Omar ibn Khattab radiallahu anhu a blâmé les gens qui recherchaient les endroits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une adoration. Également concernant la parole d'Ibn Kathir rahimahullah, que les gens de son époque faisaient ça, c'est-à-dire se retirer pour adorer Allah azzawajal, ça Allah alam, il n'y a pas de dalil sur ça, comme elle dit cher. Ensuite il dit, فَفَجَأَهُ الْحَقُّ وَهُوَ بِغَارِ حِرَى فِي رَمَضَانِ وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ 40 سَنَةٍ فَجَأَهُ الْمَلَكِ. Donc la vérité lui vint dans la grotte de Hira pendant Ramadan, alors qu'il avait 40 ans, qu'il avait atteint 40 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ange lui vint, c'est-à-dire Dibril, l'ange de la révélation. Celui qui transmet la révélation au prophète et messager, c'est Dibril, alayhi salam. Et c'est le meilleur des anges. Et c'est lui qu'Allah azzawajal appelle lorsqu'il aime un homme, ou qu'il déteste un homme. Comme c'est venu dans le hadith, dans le sahih. Qu'il appelle Dibril et il dit, ya Dibril, j'aime un tel, alors aime-le. Et Dibril l'aime, et ensuite, il transmet aux autres anges, et les anges aiment cette personne, et ensuite, cette personne est acceptée sur terre. Et lorsqu'Allah Azzawajal déteste une personne, il appelle Jibril, et lui dit, il déteste telle personne, alors déteste-la. Et Jibril la déteste, et ensuite, il transmet ça aux autres anges, qui obéissent à Allah Azzawajal en toutes choses. Et ensuite, cette personne-là, détestée d'Allah, est détestée sur terre. Allah al-Musta'an. Et donc la révélation lui est venue pendant Ramadan, dans le athar de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que le Coran a été descendu en une fois dans Bayt al-Izzah, la demeure de la puissance dans le ciel de l'Issiba, Laylat al-Qadr, la nuit du destin, donc qui est une nuit de Ramadan. Donc l'ange lui dit, l'ange Jibril, et Jibril, alayhi salam, c'est celui dont les juifs disent qu'il est leur ennemi. Subhanallah. Les juifs prétendent, la'natullah alayhim, que Jibril est leur ennemi et que Mikaïl est leur allié. Et la preuve que les juifs prétendent ça est ce que rapporte Al-Bukhari d'après Anas que Abdullah ibn Salam, radiallahu an, avant son islam, vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'interrogea sur trois choses que seul un prophète peut connaître. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, أخبرني بهن جبريل آنفا. Jibril m'en a informé il y a peu de ces choses-là. Et il lui dit, Jibril, il dit oui. Il dit, ذاك عدو اليهود من الملائكة. Donc Abdullah ibn Salam dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci est l'ennemi des juifs parmi les anges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui récita cette ayah, من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. Celui qui est l'ennemi de Jibril, alors qu'il sache que c'est lui qui l'a descendu sur ton cœur par la permission d'Allah, c'est-à-dire le Coran. Et les anges obéissent à Allah, Azzawajal. Donc quelqu'un qui prétend une faute sur un ange, comme les Rafida, et ça c'est justement une caractéristique des Rafida, qui disent « Khan al-Amin » en parlant de Jibril, qui disent que le digne de confiance a trahi en donnant le message à Mohammed, au lieu de le donner à Ali, radiallahu anhu. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Et ça, c'est une des nombreuses similitudes entre les Rafida et leurs frères juifs dans la haine des alliés d'Allah, Azzawajal, parmi les anges, les messagers et les suiveurs de ces messagers. Et cette haine va jusqu'au meurtre et à toutes les choses possibles. Et on voit actuellement au Yémen le sang des musulmans qui est versé par les Rafida Hawatha, les Houthis impurs et mécréants, Zanadiqa la'natullah alayhim, les frères de l'Iran, qui tuent les femmes, les enfants et les hommes parmi les musulmans. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يهلك الكافرين إنه سميع قريب. Et pour revenir à Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu, c'est un noble sahabi. Et ça, il l'a dit avant de se convertir à l'islam. Et il est évident que ça, cette croyance, il l'a délaissée. Alhamdulillah, et Anas ibn Malik a dit aux tabi'in, celui qui veut voir un homme parmi les gens du paradis marcher, qui regarde Abdullah ibn Salam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.